Mais là, moi-même, le Bernard, il n'est pas là, il est petit. Mais vous ne le voyez pas, vous autres, le moi-même, le Bernard. Ce que vous voyez, c'est le moi, le Bernard. Mais Bernard, lui, heureusement qu'il n'y en a pas de moi, parce que s'il était prêt entre son moi et son moi-même, il y aurait des moutons. Il n'y en a pas. Mais vous autres, quand vous voyez Bernard, vous voyez le moi, le Bernard. Mais quand je vous parle, là, c'est moi-même, le Bernard, qui vous parle. Puis pendant toutes les années qui vont venir, c'est moi-même qui va fonctionner. Puis un jour, moi-même va communiquer avec votre moi-même. C'est à ce moment-là que je vais communiquer avec vous autres par l'éthérique. Mais c'est pas la partie de Bernard qui est sur le plan matériel. La partie de Bernard sur le plan matériel, c'est simplement une partie qui sert pour des conventions sensorielles. Mais lui, Bernard à Montréal, le gars qui vous parle, le gars qui pense pas, est obligé avec le temps. Là, il est pas mal habitué, il est pas mal bon, là, parce que ses corps sont bien ajustés. Là, il est capable maintenant de fonctionner d'une façon tellement intégrée qu'il n'a même pas besoin, il a même pas besoin d'avoir le support de la nation de lui-même pour avoir l'impression qu'il est quelque chose. De sorte que son moi-même sert à d'autres choses sur les plans, au lieu de servir à quelque chose d'illusoire sur le plan matériel en fonction d'une notion quelconque de lui-même. Ce qui le rapporterait à une psychologie de l'ego qu'il avait avant la fusion. Mais maintenant qu'il est fusionné, il n'a plus besoin de son moi. Puis là, c'est ça qui est bien, parce qu'il n'a plus besoin de son moi. Et les hommes, éventuellement, doivent en arriver à être capables de se dépersonnaliser comme ça instantanément pour en arriver éventuellement à se réaliser dans leur moi-même au lieu de leur moi. Puis un jour, vous comprendrez que votre moi-même, il y a pas, votre moi-même a pas la qualité, la densité ou l'impression du moi. Il y a une grande différence entre le moi-même et le moi. Le moi est créé par le moi-même pour donner à la personne physique, émotionnelle et mentale une culpabilité existentielle. Tandis que le moi-même est simplement celui qui est dans les autres plans et qui contrôle cette énergie-là pour que sur le plan matériel, il y ait une personnalité en action. Parce que tous les hommes ont une culpabilité existentielle. Mais le concept de la culpabilité existentielle n'a pas été donné à l'homme encore parce que ça fait partie de la psychologie de l'homme qu'on va développer au fur et à mesure qu'on avance. Mais tous les hommes ont une culpabilité existentielle. Et la preuve que les hommes ont tous une culpabilité existentielle, c'est que les hommes se sentent tous coupables de faire quelque chose s'ils le font en dehors de la nation. Aussitôt que vous faites quelque chose en dehors d'une notion personnelle ou d'une notion sociale, vous avez une culpabilité existentielle et c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de subir, de vivre le joug de l'énergie que crée l'énergie dans le mental et l'émotion lorsqu'elle passe. Sans ça, vous seriez capable de faire tout ce que vous voulez dans la vie, vous seriez totalement des êtres libres. Mais libres dans des conditions occultes, pas des conditions qui pourraient être expliquées à des masses parce qu'automatiquement, ils seraient scandalisés. Parce que moi, je suis bien mieux dans l'invisible que dans la notion psychologique de mon moi. Parce que dans la notion psychologique de mon moi, j'ai pas la conscience de l'invisible. Tandis que dans l'invisible, j'ai la conscience de moi-même, mais qui n'est pas rapportée sur le plan matériel en fonction de la psychologie, de sorte que je suis bien maintenant. Avant, j'étais pas bien. Parce que les hommes ne peuvent pas être bien avant d'être totalement sans notion. C'est quand tu es sans notion que tu es bien. C'est quand tu es sans notion que tu peux vivre totalement dans l'invisible de toi-même. Puis quand tu vis dans l'invisible de toi-même, tu te rapproches du matériel, de la forme, du moi, Bernard de Montréal, et tu t'en sers pour créer une impression avec le monde. Parce que le moi-même doit se manifester dans une forme, parce que l'homme n'est pas capable de voir encore dans l'invisible. Mais si l'homme était capable de voir dans l'invisible, on n'aurait pas besoin de Bernard de Montréal. Vas-y, vas-y. C'est parce que vous n'êtes pas capable de voir dans l'invisible qu'on a besoin d'une forme qu'on appelle Bernard de Montréal. Et quand vous verrez dans l'invisible, on n'aura plus besoin de cette forme-là. On la détruira, cette forme-là. Mais le problème du moi-même doit revenir à la vision de l'homme. L'homme doit en arriver éventuellement à regarder, à voir, à travers la manipulation de ses pensées, à travers le jeu de ses pensées, que toute notion qui dérive du jeu de ses pensées constitue un rapport entre son moi et son moi-même. Et c'est ça qu'au cours des années, vous apprendrez par expérience, pas par méthodologie, mais par expérience à détruire. Un jour, il y en a parmi vous un certain nombre qui n'auront plus de moi, mais qui auront un moi-même. C'est pour ça qu'il y a tant de différence entre l'évolution et l'évolution, qu'il y a tant de différence entre la psychologie de l'évolution et la psychologie de l'évolution. Parce que la psychologie de l'évolution est révélée par le moi-même, et elle n'est pas analysée par le moi. Tandis que dans l'évolution, la psychologie de l'homme est analysée par le moi en fonction des notions qu'il a de lui-même, en fonction des notions sociales et des valeurs sociales de sa société. C'est pour ça que l'homme est incapable, au cours de l'évolution, de reconnaître la nature. De quoi? D'autres choses. Du réel. Puis d'autres choses. D'autres choses. Vous voyez, là, au lieu de vous le demander, Au lieu de le demander à votre moi-même, vous devinez. En fonction de vos notions, puis en fonction de votre mémoire, puis en fonction des pensées qui passent constamment dans votre mental. Si vous demandiez à votre mémoire, à votre moi-même, qu'est-ce que c'est l'autre mot, votre moi-même vous le dira. Mais là, il est trop tard. Parce que tous les moi-même sont connectés. Tous les moi-même sont connectés. C'est nous autres qui contrôlons le moi-même. Le moi-même, dans les mondes parallèles, c'est tout des moi-même. C'est plein de moi-même. Et les moi-même contrôlent l'activité sur le plan physique. Fait quand on décide, les moi-même, de neutraliser une information, on neutralise. À ce moment-là, vous autres, au niveau de votre moi, vous ne l'avez plus. T'as vu? Ça veut dire, sur un autre plan, être là, smart. Sur le réel, c'est ça. On voit vraiment clairement exactement ce qu'il est. Ouais, tu veux sans mémoire, sans rien. T'as pas besoin de mémoire. Tu veux tout. Parce que c'est ça, un autre plan. C'est là. Ouais. C'est en dehors de la forme. C'est plus assujetti à la forme. La réalité, c'est ce qui n'est pas assujetti à la forme. C'est ça la réalité. C'est ça, c'est un autre plan. Un jour, quand vous aurez des yeux que vous voyez dans l'autre plan, vous verrez tous les moi-même. Puis il y en a en masse des moi-même. Puis les moi-même travaillent toutes. Puis il faut pas que vous ayez l'impression que les moi-même sont pas habillés, qu'ils n'ont pas du linge, ils ont du linge. Moi, j'ai du linge, je suis habillé, je porte certains vêtements. Je suis dans un certain endroit de la Terre, puis je travaille là. Puis il y a bien du monde qui ont des moi-même. Je ne vais pas vous dire quel moi-même qui est là, là. Puis il y a bien des moi-même sur la Terre qui sont là, puis qui travaillent dans les laboratoires souterrains de la planète Terre, dans l'éthérique. Mais avant qu'une connexion entre nous autres, nous, moi, les moi-même, puis vous autres, les moi, ça va prendre un petit peu de temps. Si on attend, on n'est pas pressé. Tu comprends comment ça marche? Nous autres, les moi-même, on travaille présentement. On est en train de construire tout l'outillage, toute la science de la sixième race. Pour que plus tard, vous autres, les moi, puissent bénéficier de vos moi-même, qui savent ce qu'ils font. Pendant que vous autres, vous bénéficiez au niveau de votre moi, de ce que vos moi-même créent. C'est ça la civilisation de la sixième race. Mais la civilisation de la sixième race va être nourrie par les moi-même. Les moi-même, c'est du monde. Un moi-même, c'est une personne, c'est une personnalité. Mais c'est pas une personnalité comme Bernard à Montréal. Je suis bien plus beau que Bernard à Montréal, puis je suis bien plus grand que lui. Je suis bien mieux vêtu que lui. Tu comprends-tu? Ouais. C'est égal à toi-même. Bernard à Montréal, il commence à être égal à moi-même. Il n'est pas égal à moi-même encore. S'il était égal à moi-même, Bernard à Montréal, il se dématérialisait devant vous autres. Fait que s'il se dématérialise pas vos autres, c'est parce qu'il est pas égal à moi-même. Mais ça, c'est parce que je veux pas. Trois minutes, ça fait partie de moi-même. Donc, le processus d'essayer de t'obtenir une réponse de moi-même en haut, c'est le même processus que de parler tout à l'heure des maîtres ascendants et des maîtres descendants. C'est qu'on essaie de faire passer l'énergie du bas vers le haut. Mais vu que les corps sont bien densifiés, ça passe pas. Quand c'est voulu, c'est désiré, c'est le processus d'évolution. Tu comprends? Je comprends rien. Non, pas de problème. Quand vous me parlez, ça bien de la bien net. Si vous vous racontez une histoire pour me demander une question, là, je comprends rien. Ouais. Ce qui fait partie de la mémoire. Ça, c'est ton pattern, toi. Fait que la notion de la notion, c'est bien important, l'affaire de la notion. Ça va loin, la notion. Bien loin, la notion. En tout cas, c'est bien fun. Faut que l'homme, un jour, en arrive à être conscient de son moi-même. Puis le moi-même de l'homme, c'est sa personnalité cosmique. C'est l'être invisible en lui. C'est le pouvoir en lui. C'est l'être qui peut s'unir à la forme. C'est le porteur de lumière en lui. C'est la lumière en lui, de moi-même. Mais aussitôt et tant que l'homme aura une notion, il ne pourra pas commencer à prendre conscience de son moi-même. Puis dans l'affaire du moi-même, il y a un autre aspect. C'est que là, pour le moment, il y en a beaucoup parmi vous qui sont capables, qui êtes capables de communiquer dans votre mental. Mais il ne s'agit pas seulement de communiquer à votre mental, parce que vous pouvez très facilement communiquer à votre mental, puis c'est pas avec vous-même que vous communiquez avec un autre, faites attention. Vous allez faire jouer des taux. Fait que quand je parle de la communication entre les hommes et l'astral, c'est ça que je veux dire. Au lieu de communiquer avec moi-même, le gars, il communique avec un autre. C'est plus moi-même, là. Fait que tout d'un coup, tu communiques avec quelqu'un qui n'est pas aussi avancé en intelligence que ton moi-même. T'es bien mal pris. Mais tu le sais s'il n'y a pas d'écho. OK. Si tu communiques dans ta tête, puis tu communiques pas avec ton moi-même, puis tu communiques avec une autre personnalité, c'est bien important ce que je vous dis là. C'est très important de tout ce que je vous ai dit à soi. Si vous communiquez dans votre tête, puis vous communiquez avec de l'intelligence, qui n'est pas votre moi-même, mais qui est un autre moi-même, une autre personnalité, à ce moment-là, votre moi-même vous indiquera, vous le saurez, que c'est pas moi-même. Quand tu communiques dans ta tête, si tu communiques pas avec moi-même, c'est que tu communiques avec une autre personne, puis cette personne-là est pas dans l'éther et dans l'astral. Il y a seulement deux possibilités de communication pour l'homme, avec l'astral ou avec l'éther. Fait que si tu communiques avec une intelligence, puis c'est pas ça se sent pas comme moi-même, c'est pas avec. Tu communiques avec une autre personne. De sorte que, quand vous communiquez dans votre tête, vous devriez toujours avoir l'impression, c'est ça qui crée le mythe de la conscience humaine, c'est que vous devriez toujours avoir l'impression que vous vous parlez à vous-même. Puis effectivement, c'est à vous-même que vous parlez, mais votre moi-même réel. Mais si vous avez l'impression de communiquer avec une personne qui n'est pas vous-même, à ce moment-là, la communication n'est pas digne de vous-même. Et si elle n'est pas digne de vous-même, il faut que vous fassiez attention. Puis c'est ça le discernement. Un jour, quand vous serez habitué, à ce moment-là, vous communiquerez avec vous-même, puis vous saurez que c'est pas vous-même, dans le sens que c'est extérieur à votre moi. Mais que c'est vous-même, parce que ça fait partie de vous-même. Mais j'ai été obligé de vous instruire dans un sens qui vous amenait petit à petit, d'abord, à prendre conscience que c'est pas votre moi-même qui pense, pour vous en élever à, pour que vous en arriviez à communiquer avec d'autres personnalités qui vous donnaient qui pouvait vous donner l'impression que vous communiquez avec de l'intelligence pour vous ramener à voir la différence entre communiquer entre vous-même, votre moi-même et d'autres personnalités, pour vous amener ensuite à communiquer avec vous-même, tout en réalisant que votre vous-même et votre moi-même, ce n'est pas la même chose, que votre moi-même n'a rien à faire dans les activités du vous-même, que c'est toujours le vous-même qui ramène le show et que le moi-même n'est qu'une forme qui exécute ce que le moi-même veut. Comprenez-vous? Puis quand vous aurez bien compris ça, j'éliminerai l'autre aspect qui fait partie de la cosmovénie d'Urantia, que j'appelle le juste de pensée. Mais je ne veux pas l'éliminer tout de suite, le juste de pensée. Après. Parce que c'est très important, le concept de juste de pensée. Mais je ne peux pas l'éliminer tout de suite. Bien important. Ça marche-tu? Y a-t-il une progression? Sentez-vous une progression dans ce que je dis? Y en a-t-il qui sont bien mélangés? Il y a de la contrariété. Il y a de la contrariété? Dans quoi? Ben, dans ce que tu veux dire. Comme quoi? Regarde-moi depuis mon séminaire, c'est une élite. Oui. Et on est parti avec les trois jours de séminaire avec un certain esprit. Oui. Petit à petit, à chaque conférence que je vis, à chaque soir, il y a quasiment une contrariété avec les premières journées que ce que j'ai appris, si tu veux. Oui, oui, oui. OK. Puis, ça me frustre un petit peu. OK, dans votre tête, demandez-vous donc là-bas s'il y a des contrariétés. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Oui. Demandez-donc si c'est des contrariétés réelles ou des contrariétés fausses. Mais pour moi, c'est réel. Non, non, dans votre tête. Attendez la réponse mentale. c'est réel. Des contrariétés réelles, ok. Qu'est-ce, mandez-nous dans votre tête, qu'est-ce que ça veut dire une contrariété réelle? C'est le contraire de ce que tu as fait. Non, attendez la tête. Attendez la réponse mentale. Qu'est-ce que c'est une contrariété réelle? Ça fait bien, c'est le contraire de ce que j'ai su en partant. Ok. Pourquoi c'est le contraire de ce que vous avez su en partant? Une nouvelle adaptation. Nouvelle adaptation. Adaptation à quoi? Nouvelle manière de penser. Ah, nouvelle manière de penser. Pour en arriver à quoi? Un progrès continu. Ah, un progrès continu. Tant que vous allez avoir des notions, vous ne serez pas dans votre intelligence. Tant que vous allez avoir des notions, vous ne serez pas dans votre intelligence. Moi, je me tromperai jamais, puis je ferai tout me tromper. Ça suffit pour moi de me tromper. J'ai qu'à créer des contradictions. C'est pourquoi tu écris des contradictions? Pour vous amener à détruire les notions. Pour vous amener à rentrer dans votre intelligence. Une remarque que j'ai faite à chaque conférence, il y a toujours une contrariété qui me fait que je ne vais pas vous parler parce que je trouvais que c'était bien en jugé. Et moi, j'entends, puis ça me fatigue. Ah, ça fait partie de votre expérience. Puis tant que ça vous fait vous fatiguer, mais c'est parce qu'il y aura du travail qui se fera dans votre mental. Pour vous en arriver éventuellement à votre intelligence. Mais dans votre tête, je peux me tromper. Okay. C'est pas moi qui le dis.